Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Descobertas em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas, a melhor música de baile está aqui. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h08 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, on se retrouve pour 2 heures ensemble, de 17h à 19h, pour écouter de la bonne musique portugaise. Donc voilà, vous pouvez aussi nous écouter sur le site du net, c'est-à-dire www.radio-arc-en-ciel.fr. Et pour tout autre renseignement, ou si vous voulez avoir des renseignements sur le bal, justement le bal qui est demain, vous pouvez nous appeler au 02 38 43 48 00. Et oui, je tenais à dire un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur leur lieu de travail, dans leur voiture ou même chez eux. Encore une fois, merci et merci surtout pour vos appels qui, pour nous encourager à faire ce qu'on fait. En tout cas, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour vous rendre la vie un peu plus facile en écoutant justement un petit peu du pays, comme on dit. Et on va commencer tout de suite avec Agathe. Donc, comme je disais tout à l'heure, Agathe qui sera avec nous demain. à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, et donc c'est place du 11 novembre 1918 à Saint-Privé-Saint-Mémin. Et on commence tout de suite avec son titre. Alors non, excusez-moi, ça viendra. Attendez, je... Donc voilà, je lance tout de suite Agatha Ta Bonito. Agatha, la grande chanteuse qui sera avec Radio Arc-en-Ciel demain, samedi 30 avril, à la salle des fêtes de Saint-Privé, Saint-Mesmin. N'oubliez pas, donc 10 euros pour les entrées et 8 euros pour les adhérents. Alors les adhérents, bien sûr, qui sont à jour, et il faudra qu'ils présentent leur carte à l'entrée. Et n'oublions pas non plus aussi qu'il y aura un bal qui sera animé par le groupe Capa Negra. Et justement, Capa Negra qu'on va écouter tout de suite après ça.

paixão. Eu preciso de um abraço, alguém para me conduzir. Um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Amigo, eu também estou indo mal. Parece o mesmo filme, tudo igual. O mesmo que acontece com você. Também estou vivendo por viver. Amigo, também busco uma saída. Uma luz para a minha vida, um caminho para seguir. Eu me sinto um passarinho sem ter asas para voar. Feito um rio com lentezas, procurando pelo mar. E que bom, amigo, a gente se encontrar. E é tão bom, amigo, a gente se encontrar. Somos dois apaixonados e vivendo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas a morrer tanto amor. Dois amigos procurando. Vemos na mesma saudade. Eu e você, você e eu. Vemos na mesma saudade. Amigos, estou nas mãos de uma mulher. Você sabe como é essa história de paixão. Eu preciso de um abraço, alguém para me conduzir. E um amigo de verdade não se encontra por aí. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. E é por isso, amigo, que eu estou aqui. Somos dois apaixonados, vivendo a mesma dor. Almas gêmeas condenadas a morrer tanto amor. Dois amigos procurando encontrar felicidade. Eu e você, você mesmo já na mesma saudade. Você e eu, presos na mesma saudade. Eu e você, você e eu, presos na mesma saudade. vida, mas acreditei que ia vencer. Quantas vezes eu dormi sozinho, sem família, sem amigos, num país que não me viu nascer. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me veste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Merci Paris, sou tão feliz, contigo o sol começou a brilhar. Foste importante à nossa gente, como te adoro o nosso Portugal. Merci Paris, canto para ti, contigo o sol voltou a renascer. Já chorei na vida, mas tive coragem para lutar. Quantas vezes eu fiquei perdido e dormi como um mendigo, sem nada para me aconchegar. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me deste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Merci Paris, sou tão feliz, contigo só começou a brilhar. Foste importante para a nossa gente, como te adoro o nosso Portugal. Merci. Por tanto amar não me

paixão que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar e sempre sonhar. Tu tens o abraço que preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. contei porque me querias. Desculpa a verdade que hoje dói, mas o que eu te confesso é o melhor. Oui, c'était Simon Moniz, As Noites Que Eu Não Estava. Et voilà, j'ai un invité qui vient d'arriver dans les studios, là. Je me suis invité. Oui, c'est invité. En tout cas, il est toujours le bienvenu ici. Et il va se présenter et puis il va passer un petit bonjour à tous nos auditeurs. Bien sûr, c'est avec un grand plaisir que je suis là encore une fois pour vous annoncer ce qu'ils ne savent pas encore, mais certainement la plupart, ils le savent, c'est que demain, à partir de 21h, Radio Arc-en-Ciel sera où, Manu? Radio Arc-en-Ciel, il sera à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mesmin. Je peux leur donner aussi l'adresse, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas de salle de fête là-bas. Je ne sais pas, mais bon. Juste à côté des terrains de foot. Voilà, donc c'est place du 11 novembre 1918, 45 750, Saint-Privé-Saint-Mesmin. Donc, voilà. Chercher le stade de foot. Ouais, voilà, de toute façon, vous trouverez, voilà. Et donc, il y aura qui? Il y a Agatha? Il y a Agatha qui va estar à faire un grand show, comme elle sabe fazer, une des grandes artistes portugaises qui a déjà plus de 40 ans de carrière. Portanto, elle qui fait partie des doces et a une carrière incroyable. Voilà, on peut dire qu'elle est très très connue, surtout en ce moment, elle n'arrête pas de faire pas mal de spectacles. Là, bientôt, elle va faire les grandes salles du Portugal. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, elle nous a sorti quelques jolis titres ces derniers temps, quand même. Là. Está bonito. Voilà, Está bonito. Cette chanson aussi, la Volte a me passionar. Puis, il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a d'autres. Et donc, tout au long de sa carrière, voilà. Elle a fait des grands succès. Et c'est pour ça qu'on l'a invitée. Elle est sympathique, très sympathique. Et elle va certainement aller vers le public. Je pense que c'est quelqu'un, oui, voilà, qui. Je crois que je l'ai déjà vu une fois sur scène, mais je dois me tromper parce qu'on m'a dit que non, elle n'est pas venue avec Radio Arc-en-Ciel. Non, à Orléans, je m'en rappelle. Alors, je dois me tromper de salle, sûrement. Et donc, et Agathe, et aussi, nous avons aussi un groupe pour faire danser tous les gens toute la nuit. C'est. Tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Capanègre. Qui va nous faire danser et certainement. Comme d'habitude, ils vont toujours nous surprendre avec des nouveaux titres, du spectacle. Du spectacle, oui. Toujours, on peut dire toujours. Que Capanès, c'est toujours du spectacle avec eux, surtout quand ils sont sur scène. On s'ennuie pas. Voilà, tout à fait. Donc moi, c'est pour vous dire, donc c'est à partir de 21h, bien sûr. Donc sur place, vous avez la restauration, il y aura une buvette, un rapide, bien sûr, sur place, les trucs habituels, quoi. Donc si vous n'avez pas... Oui, il y aura des bifanes, il y aura moelles, puis des petits sandwichs, voilà. Donc, si vous n'avez pas mangé avant, ne vous inquiétez pas, vous trouverez ce qu'il faut sur place. Et par contre, pour les prix, donc, voilà, on a dit, c'est donc une entrée à 10 euros pour une chanteuse comme ça avec un bal, c'est vraiment. C'est qu'elle a fait un grand effort aussi pour. Voilà, on a pu négocier le prix, tout ça. Elle a fait un effort parce et puis, grâce à tous nos sponsors. Et puis, il ne faut pas oublier, voilà, c'est ce que j'allais en venir. Tout ça, c'est possible aussi grâce à nos sponsors, comme dit Lionel, parce qu'on n'aurait pas derrière les sponsors pour nous aider, ça serait de plus en plus difficile. Hein. Tout le monde sait, avec ce qui est passé, la pandémie, elle est passée par là depuis 2 ans, pas d'événement. Pas d'événement pendant 2 ans, donc les rentrées d'argent, tout ça, il y en a eu. On peut pas dire qu'on a été gâté là-dessus. Donc on a fait quand même un effort. Elle, de son côté, elle en a fait un grand aussi. Donc voilà, pour nous, pour vous, elle sera là demain à 20h, donc le bal à partir de 21h30. Vous pouvez venir pour danser en attendant qu'elle passe sur scène. Pour passer un moment agréable, convivial entre nous. Parce que ça nous manque aussi, ça manque à nous, Radio Arc-en-Ciel, mais pas seulement à tous les gens. Ça tous les gens, ça fait pratiquement 2 ans, oui, on a eu un petit léger, on a pu reprendre un petit peu au mois de novembre. Ça s'est redescendu, on va dire. Ils ont refermé. Donc là, les gens, ils ont envie de sortir, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de danser. Donc ça va être l'occasion, là. Et c'est ce que je disais, 10 euros, c'est rien. Et 8 euros pour les adhérents. Voilà. 8 euros pour les adhérents. Alors, qu'ils soient à jour dans leur cotisation et sur présentation de leur carte à l'entrée. Tout attention, n'oubliez pas votre carte d'adhérent. Le jour du bal, pour sinon, avoir. Ça sera pas possible. Sinon, ça sera pas possible, bien sûr, voilà. Donc, venez nombreux, faites, amenez vos amis, vos familles, vos parents, tout le monde, amenez tout le monde. On s'arrangera pour trouver de la place. Moi, je suis plus à l'aise en portugais qu'en français. Non, mais vas-y, Lionel. Moi, je parle en français parce que je suis plus à l'aise, mais toi, tu peux parler en portugais. Vas-y. Au contraire, les gens, ils préféraient peut-être que tu parles en portugais. Vas-y, je te donne la parole. Non, mais bon, on a tout dit, hein. Et puis, nos auditeurs, ils comprennent bien le français. Donc, on est en France, hein, on va dire. Donc, oui, bien sûr. Donc, voilà, on va passer un petit peu de musique et on va revenir tout à l'heure sur le bal. On reviendra tout à l'heure. D'accord, Lionel? Très bien. É vida do povo, meu. Já são 7 horas, estou atrasado. Para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho ou demora. Que se acaba, chegou a hora. Já estou cansado. Que vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. Semana. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Conquistador ser bom. Vou te dizer onde eu vou. Lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou. Pertilhado pode ser. Pertilhado pode ser. Pertilhado pode ser. Já chegou a hora. Vamos lá dançar, hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou, lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou, conquistador ser bom. Sem trabalho a demora, que esta acaba, chico a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que me faz ver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Conquistador ser bom. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. noite na pista, tu vais aprender a coreografia. Só entrelaçar de frente, desliza, subir e descer. amanhã vamos cantar e dançar, como diz aqui a Agatha nesta música. Amanhã à noite, onde é que é, Manu? À la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mesmin. Et à partir de 21h, le grand spectacle com a Agatha, Capa Negra, para vocês poderem dançar logo de, a partir das 21h, vão poder... 21h, toute la nuit, et, voilà, entre la chanteuse et il y a ce qu'il faut pour satisfaire tout le monde. Donc surtout n'oubliez pas, donc voilà, demain 30 avril à partir de 21h, venez nombreux, venez voir cette... Ça nous manque ce public, hein, un petit peu de... Bah, oui, ça fait pratiquement 2 ans qu'on est en pandémie, qu'on sort, on sort pas, on autorise, on n'autorise pas. Et là, je crois que là, en plus, là, il n'y a pas besoin de... Alors, bien sûr, hein, les gens qui veulent garder leur masque, ils peuvent garder leur masque. Au contraire, hein. Voilà, les gens, chacun est libre de... Mais je veux dire, il n'y a pas de restrictions pour... Il n'y a pas de passe sanitaire, il n'y a plus besoin. Voilà, ouais. Donc, c'est libre au choix des gens qui veulent... garder leur masque avec eux, ça, il n'y a pas de problème. Yes, sim, então, amanhã à noite, não se esqueça, sala de São Prévia, Samemã, para o grande show com a grande artista Agatha e o conjunto Capa Negra, não é? C'est ça, Capa Negra, que tout le monde connaît, bien sûr, hein, et qui s'est déshabitué, surtout ici, du coin, parce qu'ils sont de chez nous, hein. Capa Negra, ouais, ils sont de chez nous. Il y a des animateurs, comme Jérôme. Oui, voilà, Jérôme, qui est animateur. Tout à fait. Marilyn, etc., tout le monde les connaît. Et si vous n'avez pas le temps de dîner le soir, n'ayez pas peur. Sur place, vous avez, il y a une petite restauration rapide, hein, buvette. On avait dit, il y a bifan, sandwich, moelles. Et donc, il y a ce qu'il faut. Tout ce que, comme d'habitude, hein, Radio Arc-en-Ciel s'est préparé ses soirées pour que vous soyez dans la bonne ambiance, tout ce qu'il y a de convivialité. Tout à fait. Et donc, tu peux redire le prix des entrées? Bah, le prix, c'est 10 euros, simplement. 10 euros, vous rendez compte, 10 euros pour voir une chanteuse. Avoir une chanteuse de ce calibre, ouais, ouais. Bah, elle a fait un grand effort, il faut dire ce que c'est. Oui, voilà. Oui, on tient à dire un grand merci à Agatha, parce qu'elle a fait un grand effort pour être avec nous. Voilà. Et aussi à nos partenaires. Hein. Nos partenaires, nos sponsors. Là, hein. La liste, oui, j'ai pas la liste, mais donc on va le citer. Voilà, et ça va. On remerciera nos partenaires justement dès le dimanche ou le lendemain. On les remerciera pour leur participation. Et à savoir que sans eux, rien n'est possible. Hein. Faut dire que heureusement qu'ils sont là pour nous aider. Et aussi, voilà, on revient, c'est être adhérent. Être adhérent aussi, ça aide beaucoup la radio. Parce que ça donne des avantages d'être adhérent. Voilà, la preuve, c'est que là, c'est 8 euros pour les adhérents. Ben, comme on fait 3-4 balles dans l'année. Eh ben, ça fait pratiquement une entrée gratuite dans une année. Voilà, c'est ça. Vous êtes adhérent, vous avez pratiquement une entrée gratuite. Ouais. Hein. Et puis, c'est quoi, 20 euros par an? Oui, logiquement, on a tous les ans la galette aussi. Oui, voilà. Cette année, elle s'est pas faite parce que pandémie, bien sûr. Mais puis aussi, on fait des repas en salle. Des fois, on fait des repas. Et les adhérents, ils ont une bonne remise aussi là-dessus. Ça, faut pas. Et puis, c'est surtout le truc d'aider la radio. Parce que la radio, elle tourne avec justement ses dons. On a toujours du matériel à réparer, à changer. On a fait pas mal de travaux. C'est pendant la pandémie. Hein. On a fait quand même pas mal de travail grâce ici. À des main-d'œuvre. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, faut dire, c'est que des bénévoles qui sont à la radio. Hein. C'est que des bénévoles qui font tourner la radio. Et aussi, il faut pas remercier, c'est tous ces gens qu'on n'en parle pas, mais qui sont dans l'ombre. C'est tous les bénévoles qui nous aident comme demain. Les gens qui vont aller en cuisine, qui vont préparer, qui vont aider à mettre les tables, ranger enfin. Et ben tous ces gens qu'on parle pas beaucoup, ben on les remercie sincèrement parce que heureusement aussi qu'ils sont là. Et surtout pour cette grande aventure qui va se préparer pour le 9 et 10, retenez déjà, 9 et 10 juillet, je crois, c'est le samedi. Alors, c'est pas le premier week-end de juillet, c'est le deuxième week-end deuxième de juillet. Week-end, la grande fête des saints populaires. Hein, ouais, la fête de la Saint-Jean, qu'on appelle toujours pareil, au parc de Lignerolles. Il y aura aussi des grands artistes, hein, on ne dit pas, mais il y aura. Des grandes surprises. Voilà, il y aura une grande surprise. Donc, et là, c'est là qu'on a aussi vraiment, vraiment besoin de tous nos bénévoles et on leur tire un grand chapeau parce que ce jour-là, je veux dire franchement, chapeau c'est à pas qu'une journée, c'est, toute c'est la deux jours, deux, enfin, deux jours. On va, c'est pas deux jours parce qu'il faut dire, il y a le vendredi, samedi, dimanche et le lundi. Et le lundi c'est pratiquement 4 jours à travailler. Moi, pour vous dire, hein, moi sur les 4 jours, je peux vous dire que si j'arrive à dormir 10-12 heures, c'est tout ce qu'on peut dormir. C'est quoi? C'est 2-3 heures par nuit parce que bon. Et depuis ça, depuis des années. Et depuis des années, on prépare tout le vendredi où on se couche. Il est peut-être 3 heures du matin. Aussi, ça nous voilà. Plaît, mais ça nous voilà. On le fait parce qu'on aime ça. Et puis les gens qui viennent, bah, ça nous réconforte un petit peu. Ce qui nous fait plaisir, c'est de voir les gens heureux. Voilà. En tout cas, c'est moi, c'est ce que je ressens quand je vois que à la fin de la fête, ouais, les gens, ils partent avec le sourire. Ça s'est bien passé, que je vois que les gens, ils viennent nous voir, qui nous félicitent, qui nous disent à l'année prochaine. Et ben ça nous touche beaucoup, ça. Voilà, donc c'est ça. Donc nous, ce qu'on fait, on le fait aussi parce qu'on aime le faire. C'est comme quand on fait une émission, comme tu fais tous les vendredis soirs. Bah, ça... Ah, comme moi, mais comme d'autres, hein, comme toi qui fais le samedi, comme justement après moi, il y a Albino avec son émission Maverica. Et tous les matins, il ne faut pas oublier les autres. Francky, Victor, Signor Lorenzo, Jean-Pierre Martins, monsieur de Alzimiro. Ouais, tout ça, il ne faut pas les oublier, tous ces gens-là. Donc on écoute encore un petit peu de musique. Allez, on écoute. Et on revient après. Bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho, vamos ver a gente dançar o malhão. Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho, vamos ver a gente dançar o malhão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Eu quero ver o chão tremer. Eu quero ver o poeira levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o pim-pim-pim do cavaquinho, o povo fazendo festa. Eu quero ver o chão tremer. Eu quero ver o poeira levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o pim-pim-pim do cavaquinho, o povo fazendo festa. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Bate o pezinho, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão. Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar. Ah, ah, ah, ah, é o malhão, deixa a roda girar. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Eu quero ver o chão tremer. Eu quero ver o poeiro levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o plim plim plim do cavaquinho, o povo fazendo festa. Eu quero ver o chão tremer. Eu quero ver o poeiro levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, o plim plim plim do cavaquinho, o povo fazendo festa. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão. Viva o Malhão! Viva Portugal! Um grande abraço, Eu Solto! Para todos, saúde e paz! Bate o pezinho! Hey! Hey!

18h50 sur Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, notre émission, elle arrive à sa fin. Mais avant de partir, j'ai un petit message à passer. Donc c'est pour vous dire que dimanche 15 mai 2022, à la cathédrale Sainte-Croix à Orléans, il y aura le chapelet récité à 15h30. Et à 16h, il y aura une messe présidée par Monseigneur Jacques Blacas, évêque d'Orléans. Donc n'oubliez pas, hein, dimanche 15 mai 2022, donc à partir de 15h30, à la cathédrale Saint-Croix à Orléans. Donc venez en famille et venez avec vos amis. Voilà, je vais répéter ce que j'ai dit, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui m'ont demandé de le relire. Donc c'était pour vous dire que le dimanche 15 mai, il y a un pèlerinage de Notre-Dame de Fatima, et c'est à la cathédrale Sainte-Croix à Orléans. Et donc à partir de 15h30, c'est à 15h30, il y a le chapelet récité. À 16h, il y aura une messe présidée par Monseigneur Jacques Blacas, évêque d'Orléans. Donc venez en famille et venez avec vos amis. Donc n'oubliez pas, dimanche 15 mai. Donc 18h53 sur Arc-en-Ciel, voilà, l'émission arrive à sa fin. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. Donc là, je vous laisse avec l'émission Mavrika, avec Albino. Qui est là, qui est derrière moi, qui arrive, je le vois arriver là. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, et aussi n'oubliez pas demain le grand bal organisé par Radio Arc-en-Ciel avec Agatha et Capanegra à la salle des fêtes de Saint-Priest-Saint-Mesmin à partir de 21h. Donc voilà, réservez dès aujourd'hui votre date pour demain. Entrée 10€ et 8€ pour les adhérents qui sont à jour dans leur cotisation et sur présentation de leur carte d'adhérent. Voilà, je vous dis à demain et bon fin de semaine pour les autres. Sofrendo de amor. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. La fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Priest-Saint-Mesmin. Le bal sera animé par le groupe Capanegra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée de 10€ et 8€ pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capanegra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Priest-Saint-Mesmin, une organisation Radio Arc-en-Ciel.